La semaine dernière, nous avons laissé le roi Belshazzar et ses magistrats en plein festin à la cour de Babylone. Imaginons la scène. Le palais avec ses tentures aux riches coloris, la vaisselle d'argent et d'or, les 1000 convives, et soudain, une main mystérieuse qui écrit sur la paroi. Plus personne ne mange ni ne boit. C'est la terreur et l'affolement général. Belshazzar convoque en hâte ses astrologues. Mais aucun d'entre eux ne peut déchiffrer la mystérieuse écriture. Alors la reine-mère entre en scène. Tous respectent cette douairière qui avait été reine au temps du grand Nebuchadnezzar. Écoutons-la à notre tour. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui, chez Daniel, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Daniel, chapitre 5, versets 10 à 12. Au temps de Nebuchadnezzar, Daniel avait été premier ministre. Mais il avait été si bien relégué à l'arrière-plan qu'il semble que le roi Belshazzar ne l'avait jamais rencontré. C'est pourquoi il lui demande « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs amenés de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » Daniel 5, versets 13 et 14. Puis le roi Belshazzar réitère à Daniel l'offre de ses cadeaux. Collier d'or, vêtements de pourpre et surtout troisième rang dans le royaume, s'il déchiffre la fameuse écriture. Mais tout cela n'impressionne guère Daniel. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Daniel 5, 17. Devant des centaines de magistrats, encore tout effrayés par l'écriture mystérieuse apparue sur la muraille, Daniel commence par rappeler comment le Dieu suprême s'était révélé antérieurement à Nebuchadnezzar et comment il l'avait frappé d'une grave maladie mentale pour qu'enfin il s'humilie et rende gloire au Dieu des cieux. Puis Daniel montre le contraste entre l'attitude de Nebuchadnezzar et celle de Belshazzar. Il s'indigne alors contre l'odieux sacrilège auquel le roi vient de se livrer. Et Daniel n'y va pas de main morte. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Tu as loué les dieux qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Verset 23. Alors seulement, Daniel se tourne vers la paroi pour déchiffrer le message, versets 25 à 27. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Le procès de Belshazzar est vite instruit. Dieu a compté ses jours et y a mis fin. Il aurait pu dire à Belshazzar ce qu'il a dit dans la parabole aux riches insensés qui construisaient des greniers plus grands pour abriter toute sa récolte. Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 20. Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-ce? En effet, Dieu ne compte pas nos années comme nous les comptons. Il les compte depuis l'échéance. C'est donc un compte à rebours qui nous concerne tous et qui montre combien il est urgent de se préparer à rencontrer Dieu. Et puis, Dieu ne compte pas seulement, il pèse. Or, les balances divines ne fonctionnent pas selon les critères des hommes. La puissance militaire, les richesses et le nombre des convives de Belshazzar ne pesaient pas plus lourd que le souffle que Dieu avait mis dans ses narines et qu'il pouvait retirer à tout instant. Et son royaume n'était-il pas en train de se diviser à son insu? Il paraît qu'en chaldéen, le dernier des mots écrits sur la muraille, le mot « Ufarzin », avait une signification bien particulière. Il signifiait « diviser », mais en même temps, il évoquait aussi les Perses. C'est comme si, en un mot, Dieu avait voulu dire deux choses. Le royaume de Belshazzar était déjà divisé, et cette nuit-là, il allait passer aux mains des Mèdes et des Perses. Cette nuit-là. Insouciant, Belshazzar pense davantage au respect du protocole devant les convives qu'à l'imminence de la catastrophe. J'en veux pour preuve le verset 29. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Mais Daniel n'a pas eu à occuper cette troisième place. Le texte poursuit, versets 30 à 31. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume. Que s'est-il donc passé pour que Babylone la superbe, Babylone l'invincible, soit tombée en une nuit, alors que rien ne le laissait prévoir? L'historien grec Hérodote raconte ce que la Bible passe sous silence. En cette année 538 avant Jésus-Christ, Cyrus, le stratège et futur empereur des Perses, a dressé son camp au bord de l'Euphrate, à quelques 30 km en amont de Babylone. Il a ensuite déployé deux de ses corps d'armée autour de la forteresse, alors que le troisième était chargé de détourner le bras de l'Euphrate qui traversait Babylone de part en part. À ce point du récit, l'écrivain athénien Xénophon rejoint Hérodote, puisqu'il raconte tous deux que l'armée perse est entrée dans la ville par le lit du fleuve asséché, déjouant ainsi la vigilance des sentinelles et profitant de l'insouciance des chefs militaires qui, eux, s'enivraient au palais royal. Si j'en avais le temps, je m'étendrais ici sur un parallèle de l'Écriture sainte. La chute soudaine de la Babylone chaldéenne au VIe siècle avant Jésus-Christ est prophétique de la chute foudroyante d'une autre Babylone, la Grande Babylone, mentionnée dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. Cette Babylone ne tombera pas en une nuit, mais en une heure. Il faudrait toute une émission pour traiter de ce sujet. Qu'il me suffise de dire que l'esprit de cette Babylone-là est déjà dans le monde d'aujourd'hui, et qu'un autre roi, qui ne s'appelle pas Belshazzar, mais Satan, voudrait nous impressionner et nous assujettir par ses offres séduisantes. C'est pourquoi prenons exemple sur Daniel, qui a su discerner le piège qui lui était dressé et qui a répondu à Belshazzar. « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi. » Daniel 5, 17. Que valait pour Daniel le fameux collier d'or offert par le roi? Face aux promesses de Dieu qui sont comme de l'or éprouvé par le feu et qui se réalisent avec le temps? Et pour nous, quelle est la valeur de l'or des banques? Face aux valeurs spirituelles qui ne dévaluent jamais, des valeurs véritables que l'Écriture sainte nous révèle? Parmi ces valeurs-là, je mentionnerai surtout la foi. L'apôtre Pierre a dit à ce sujet qu'elle est « plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. » 1 Pierre 1, 7. Eh bien, c'est de cet or-là que le Seigneur parlait lorsqu'il s'adressait à l'Église du 1er siècle. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Apocalypse 3, 18. Saurons-nous, comme Daniel, choisir entre les valeurs véritables et celles qui ne le sont pas? Et puis, deuxième cadeau du roi Belshazzar, un manteau de pourpre. Pendant toute l'Antiquité, on revêtait de pourpre les rois et les grands dignitaires. Mais nous regardons à une autre royauté, à une autre pourpre qui, elle, est tissée sur une trame éternelle, puisque, avec tous les croyants de l'histoire, nous sommes désignés par le Seigneur comme rois et sacrificateurs pour notre Dieu. 1 Pierre 2, 9, Apocalypse 1, 6. Et enfin, cette troisième place du royaume, un royaume qui allait s'écrouler dans les heures suivantes, quelle valeur avait-elle pour Daniel devant la place d'honneur que le Seigneur lui avait réservée au ciel? Une place combien supérieure à toutes les places que les hommes peuvent proposer? et cette place d'honneur dans le royaume universel et éternel de Dieu, le Seigneur ne l'a pas réservé seulement à Daniel, mais à tous ceux qui lui appartiennent. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3, Jésus en parle. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jeune homme, jeune fille, et vous, chers amis chrétiens adultes, le monde, le péché et le diable s'unissent pour vous faire des offres alléchantes. Alors faites comme Daniel. À Belshazzar, il a dit « Garde tes dons, je lirai néanmoins l'Écriture. » Daniel a lu l'Écriture de Dieu sur la muraille. Nous pouvons aussi lire l'Écriture de Dieu, c'est-à-dire l'Écriture sainte qu'est la Bible, la parole divine. Elle est à notre disposition. Et si vous ne la possédez pas encore, il vous est facile de l'acquérir. Oui, lisons l'Écriture. L'Écriture sainte nous fera découvrir les dons que le Seigneur de gloire met à la disposition de ceux qui lui appartiennent. Et cette parole nous aidera à apprécier les vraies valeurs, puis à refuser les tentations et les propositions de Satan, l'ennemi de nos âmes. Enfin, l'Écriture nous aidera à nous détourner des choses vaines et à nous décider résolument et définitivement pour Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur.